Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. BR Metal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com. BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Metal, 353 Gustave Dessuroy, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Metal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Dolbeau-Mistassini. On va parler de hockey mineur, c'est la chronique de hockey Lac-Saint-Jean-Nord avec notre ami David Lamontagne. Salut David. Salut Danny. David, en fin de semaine au hockey mineur, il se passe quoi? On a les matchs qui commencent pour nos équipes Saint-Paulette. Les saisons commencent en fin de semaine prochaine. Okay. On a beaucoup d'équipes à l'extérieur, mais on a quand même des matchs samedi, dimanche, à la Renault Mistassini. Okay. Je peux te dire un petit peu, si les gens veulent aller voir ça, on a les Éperviers puis Wibé à 14h, les Éperviers Bantam B à 16h30, nos Castors Junior A, notre nouvelle équipe cette année, on a du Junior A qui joue à 18h contre les Dynamo. Ensuite, dimanche, on a deux matchs aussi. Dans le Piouillard, on a les Loups qui jouent contre le Royal à 14h. Suite après, à 15h30, les Loups qui jouent contre les Loups Bantama qui jouent contre les Monarques. Fait qu'on a quand même un petit début de saison. Pour nos équipes double lettre, en fin de semaine, c'est plus tranquille. Il y a la trêve en fin de semaine prochaine. Autrement dit, les équipes jouent moins. Les équipes à tourner, puis oui, ils jouent pas. Puis les équipes Bantam sont en congé. Midget, je pense qu'ils jouent à Jonquière dimanche. OK. Donc, et aussi, ben, ça fait pas mal le tour. La semaine passée, comment ça s'est passé? En fin de semaine passée, ouais, les Bantam ne jouaient pas. Okay. Nos Atomes 2B ont commencé leur saison. Ils ont perdu 6-0 contre les Sabres vendredi. Ils ont perdu aussi 3-2 contre les Jags 3. Ensuite, Pee-wee 2B, en fin de semaine passée, je pense, une défaite, deux matchs nuls contre Yala Bécomo en fin de semaine passée. Bantam 2B est en congé. Nos Midget 2B et Castor ont perdu 6-4 contre Marco Spa vendredi soir et ont perdu 2-1 en tir de barrage contre les bons ambassadeurs samedi. OK. Dis-moi, les inscriptions pour les tournois, ça s'approche bien vite, là? Oui, on a deux tournois qui s'en viennent à grands pas, là. Tournoi Bantam, tournoi Atom, puis oui. Je sais que tournoi Bantam, ça va quand même assez bien. Il nous manque une ou deux équipes, là, dans le Bantam 2B. Okay. Ensuite, les équipes Bantam B, ça rentre un petit peu plus tard, mais c'est quand même, ça va quand même bien. Puis je pense qu'Atom, puis oui, ça va quand même assez bien aussi. Les équipes, ça rentre, puis. C'est qui le président qui remplace le tournoi Bantam? Parce que Pierre-Luc a dit, moi, j'ai fait de ma part. C'est qui le président? Voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de président nommé, mais je pense que c'est plus un genre de. Ils font ça en comité. OK. Il y a quand même, pour prendre les inscriptions, il y a Marjorie Lavoie, là. Les coordonnées sont sur le site Internet. Ensuite, pour le tournoi Bantam, pour le tournoi Atom, puis oui, je pense que c'est encore Julie Smart qui s'occupe des inscriptions, puis tout. OK. Donc, on va se reparler. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine, David? Oui, on se reparle la semaine prochaine. Voilà. Donc, David Lamontagne qui nous parlait de la chronique du hockey mineur de Lac-Saint-Jean-Nord. Oups.